Judas écart du chemin des frères, les choix s'enchaînent en long, les pertes frappent sa maison et la honte creuse ses noms. Et tu redresses les torts, car ton plan traverse la honte et prépare encore le sort. Ta promesse ne s'éteint.